Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On démarre au quart de tour avec la vedette du festival du printemps, j'allais dire du festival du péage du rock au péage du Roussillon. La vedette, ils ont embrasé la salle, ils sont français, ils accumulent les récompenses à l'étranger et très mystérieusement complètement snobés par les médias en France. Cherchez pas pourquoi, nul n'est prophète en son pays. Je veux parler de la Zuli avec leur nouvel album et tout de suite... Extrait de Nos âmes saoules, le premier morceau qui est un pur régal. Le temps est à la rage. Je vois la Zuli. Même Christian à côté vient de me dire ça a de la gueule. Je cite, nos âmes saoulent, ces Français, ça vient tout juste de sortir. Et je disais, ils ont enflammé la salle du péage du Roussillon. Samedi, pour le péage du Rock, on remercie au passage, on va y revenir d'ailleurs, Laurent et Fanny pour ce moment prestigieux. On continue avec une nouveauté, ils n'étaient pas présents, mais ils étaient présents il y a très très très longtemps. Les Britanniques de Multistory, les revoilà, et c'est pour notre plus grand plaisir, ce groupe proche à la fois de Pendragon et de Yes, avec un nouvel opus intitulé Crimson Stone. Voilà, bonjour les amis, Multistory. The night we travel this way and over the wall the wise man took a look then wrote in his little book that winter had come and farewell the sun for the road is cold today and you the wolf pack has made a kill. Blood lay in snow and froze to a crimson stone. The spirits were high with the sun in the sky. Eyes are watching you there from the wooded edge and they're biding their time. Just like the ones before, they chose to ignore the warnings of grief. There's danger in here. If you come this way, it's a price you must pay for hunting for pearls and furs. Close to the fire tonight, faces pale in fright. Brave men stood their ground. The wolf pack prowl around. Deep in the Dingle Wood, the pine and the thistle stood. the needles, they leave their mark. The pack, they just laugh at that. commences book. Another life that feels a page. The crimson stones will show a trail. You took your chance, but raised the score. The crimson stones. Crimson another time I hope. Who knows the wrong and right? Thank you. My Qu'est-ce que c'est beau, Cyril, C-Y-R-I-L, nouvel opus des Allemands, un opus, un album intitulé Paralyzed, Paralyzed, vraiment très très beau, morceau de 18 minutes, j'ai pas hésité. Avant, vous avez pu entendre TCP, c'est un groupe TCP, c'est un groupe américain, production également de 2016, un album intitulé Temporal Chaos, le chaos temporel. Voilà, donc Lazuli, Multistory, TCP, Cyril. On continue avec les Britanniques de Preacher, le prêtre, et un album intitulé Aftermath. Preacher, tout de suite. Agree. I've got a vision in my mind of all the things we left behind. I wonder if decisions made affect the way that we behave. Reflections in a pool of glass, images in my mind that last. A vision set in present time, only the wind will change my mind. Look to the sky and wonder why all your dreams and all your fears just blow on by. Look to the sky. I can feel from the void of space. I consider undefined. Is it time to listen? Will this be my mission? And do I need permission to find out why? My friends have come to visit me tonight. Commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunkerque! sol, 100.7. On peut dire qu'il fait pas semblant de jouer de la guitare, le guitariste de Preacher, un album intitulé Aftermath. On va partir en Suisse, j'en parlais avec un ami suisse qui nous a accompagnés au festival donc du PH du rock. On listait un petit peu tous les groupes suisses, Flame Dream, Klebsiedra et j'en passe. Et bien voilà une nouveauté, Ticket to the Moon, un ticket pour aller vers la lune, c'est le nom du groupe. Et leur album s'intitule Sense of Life, le sens de la vie, tout de suite sur le 100.7 et ses prog à part. Ticket to the Moon, Sense of Life, c'est suisse et c'est tout neuf, tout nouveau. Le gars, il s'appelle Gadi Kaplan, il vient d'Israël, il s'est installé aux États-Unis. Il nous sort un petit album frais, bien sympathique chez la Moussea, qui s'intitule Morning Sun. Tout de suite, Gadi Kaplan. Thank you. Oh, double album pour les Chiliens Dial, album qui s'intitule Hawaii comme les îles. Ils sont chiliens, double album, c'est de 2016. Isle, le groupe, ça s'écrit A-I-S-L-E-S, Isles. Double album. On termine avec, pour moi, une des révélations de ce festival de péage du rock. Credo, les British de Credo, qui sont revenus très très fort avec un néo-prog proche à la fois de Palace, proche de Twelfth Night, voire même des premiers Marillion. Vraiment que des belles choses avec des paroles très très fortes. Je vous propose non pas leur dernier album, mais l'avant-dernier qui s'intitule Rhétorique, qu'ils ont abondamment joué en concert. Voilà, et on terminera l'émission ainsi. Je vous donne rendez-vous le 7 novembre, et là, dans cette émission-là, j'aurai à cœur de vous parler de l'autre festival qui a eu lieu cette fois-ci en septembre, Quadriphonique, animé par Jean-Pierre Louveton de Nemo, un festival aussi de toute beauté qui réunissait des groupes français, cette fois-ci, de prog. Ce sera pour la prochaine fois. On vous parlera notamment de Jean de la Lune. Voilà pour cette émission de rentrée. Et tout de suite, donc, Credo. Well, it started as a letter. There's so much I wish I could say to you. I really wish I could make you listen. But then you'd never understand. The truth is known, and it's better. If I was honest to myself, then I knew that all I'd be left with was a letter. Songs I wrote for you, for you. You tell me. You lied, tu m'as menti. Très belle chanson d'amour de Letter par Credo, un album de 2013. C'est de ce combo qui vient de Londres. Voilà, donc, et bien pour cette émission d'octobre, c'est fini. Moi, je vous donne rendez-vous demain, les Lyonnais, demain à la bibliothèque municipale de la Part-Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en face de la gare de la Part-Dieu et ça joue que c'est à côté du centre commercial à partir de 18h30, donc dans les locaux de la médiathèque, pour une conférence que j'aurai le plaisir d'animer sur le rock progressif lyonnais, passé, présent et futur. Voilà, une trentaine de diapos et ensuite une écoute et débat si vous le souhaitez. Voilà, entrée gratuite, 18h30, La Part-Dieu, le rock progressif lyonnais. Sinon, eh bien, rendez-vous le lundi 7 novembre, 20h30, 22h30 pour une nouvelle édition de Prog à part, bien sûr. C'était Prog à part, une émission proposée, réalisée par votre humble serviteur Thierry Sportouche. d'habitude, cette émission est enregistrée en HQ, haute qualité. Vous la retrouverez donc en podcast ces jours d'ici la fin de la semaine, promis juré craché. Et donc, vous la retrouverez sur le site de notre partenaire presse, on peut l'appeler comme ça, Acid Dragon, acidragon.eu comme Europe. Et suivant la formule consacrée, tenez Tati, à que la prochaine.